que ça va arriver. Mais prévois toujours le renouveau. Autrement dit, la religion ou les philosophies veulent que l'être humain arrive à une forme d'évolution particulière, mais interdisent bien au fidèle d'y arriver. Alors un jour vous serez heureux, un jour vous rencontrerez Dieu. Allez pas dire un maître que vous l'avez rencontré, un péché mortel. Alors un jour l'homme le fera, mais quand, ça oublie ça. Les religions prévoient les choses, toutes les religions, les philosophies prévoient des choses, la science prévoit des choses. Chacun d'entre vous prévoyait des choses, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'humain vibre qu'il n'est pas sur la planète Terre juste pour pourrir, qu'il ne vient pas au monde juste pour souffrir, qu'il ne meurt pas pour faire plaisir au salon funéraire. L'être humain finit par avoir une libération et quelque chose d'autre. Alors l'humain pense son temps dire que Dieu est à l'intérieur de l'homme. Mais montrez-moi-le. Alors l'humain dit en potentiel. Autrement dit, l'humain veut dire Dieu est à l'intérieur de l'homme, mais c'est une femme. En potentiel, c'est ce que ça veut dire. Parce que finalement, on ne peut pas de... C'est quelque chose de tellement abstrait dans notre monde. C'est dans notre monde. L'homme est beaucoup plus abstrait que le Dieu dans l'homme. L'homme est bien plus abstrait que l'homme nouveau. Sauf que nous aimons vivre avec l'abstraction et nous ne voulons pas accepter de vivre avec les choses réelles. Lorsque je dis à quelqu'un, la plante qui est là, elle n'est pas belle, elle est une plante. La personne va dire, ouais, mais c'est joué avec les mots. Non, lui, il joue avec les mots. En plus, il joue avec l'émotion. Il joue avec la forme, il joue avec la coloration, il joue avec le rêve. Il joue avec l'illusion. Et là, moi, je ne suis pas avec les mots. Le Dieu dans l'homme, c'est un peu que dans le séminaire que je donne, quand on me parle de potentiel, je leur dis, voyez-vous, c'est ça de marde. En potentiel, c'est une forme. Hein? Mange-le. Bon. Dieu est dans l'homme en potentiel. Ouais, félicitations. Mais ça change quoi? Sauf que ça change quelque chose. Ça change que l'homme, malgré qu'il ne voit pas, malgré qu'il n'a pas ce qu'il faut pour voir, sentir, vibre. Quelque chose qui ne va pas. Quand on dit que Dieu est dans l'homme, puis qu'on se regarde la face d'un miroir, je pense qu'il faut qu'on prenne conscience, c'est quelque chose qui ne va pas. C'est-tu parce que c'est Dieu l'illusion, ou c'est parce que c'est nous l'illusion? Mais il y a quelque chose qui ne va pas. On parle d'un homme. Il y a beaucoup d'êtres humains qui me disent, moi, j'évolue. Je leur dis, t'évolues vers quoi? Ben, là, c'est fait. Ben, je veux être plus en paix. Ben, je pourrais pas dire... De la paix, t'es où? Tu veux être plus en paix. Tu voudras toujours être plus en paix. Je veux jamais en paix avec la paix. J'évolue vers moi, je peux te dire ça. Ah oui, tu peux dire ça, oui. Puis moi, je peux te féliciter de m'en aller. Et j'évolue vers moi. Ben, bouge plus, t'es rendu. T'es réglé. On a énormément de concepts philosophiques qui sont en substance réelle, qui sont la transcription dans le monde psychologique de l'homme d'un phénomène qu'il ne peut pas psychologiser, c'est-à-dire d'un phénomène qu'il ne peut pas conscientiser, mais qu'il perçoit. C'est quelque chose. L'homme le perçoit. Tu sais qu'on est bien mal assis, c'est écœurant. Allô? Bon, l'année. Finalement, il faut sortir de cette spiritualité parce que lorsqu'on se pose encore des questions du genre, bon, ben là, moi, la religion, elle commence, elle me dérange plus, mais elle me dérange encore. Quand une chose te dérange plus, puis que tu en parles, c'est qu'elle te dérange. Ça te dérange encore. C'est la futilité, tu sais. Le snobisme de l'évolution. Ça ne dérange pas. C'est lorsqu'on parle de psychologie aussi. Est-ce qu'on peut dire que la psychologie a un lien direct avec la spiritualité? De l'homme, psychose, logie, science qui étudie. Psychologie, science qui étudie l'homme. Spiritualité viendrait du mot spirit, esprit. Mais la spiritualité, ce que l'on connaît, n'a rien à voir avec l'esprit. Ça regarde que l'âme, c'est de l'âme. Illualité, c'est pas de la spiritualité. Prenons l'exemple des choses, et ça, je tiens à faire un point avant. Comme la psychologie nouvelle, c'est quoi? Ce que nous faisons ici, ça peut être de la psychologie nouvelle. Habituellement, je rencontre des gens qui me disent qu'ils font de la psychologie nouvelle. Alors, je leur demande, qu'est-ce que vous faites? Psychologie nouvelle, travaillez-vous avec un homme nouveau? Ou psychologie nouvelle, travaillez avec des hommes anciens? Alors, ils me répondent, bien voilà, je fais des régressions dans les vies antérieures. C'est pas nouveau, ça. C'est que la psychologie nouvelle essaie toujours de régler les problèmes psychologiques de l'homme comme on envisage ces problèmes depuis Freud. C'est pas parce que tu amènes un nouveau gugus que c'est la psychologie nouvelle. Il faut que tu envisages l'homme sous une autre facette. Par exemple, La régression dans les vies antérieures, ça sert à rien. Pas dans la psychologie nouvelle. Au lieu de dire à la personne, fouille dans le passé pour voir ce qui t'en gâte, ben moi je dis à la personne, oublie le don. Ça va être réglé. Ça va plus vite. Ben ça va mauditement plus vite. Oublie, tu sais, renaît, devient neuf. Ouais, mais j'ai toujours eu de la misère, moi, à faire ça. Maudit, viens, on va le faire. L'espère que t'as toujours eu. J'ai toujours eu 12 ans, moi, cette année, fait que je peux pas avoir 13 ans. Comment on va faire? Ben, moi, j'ai 29. Je suis pas pour broyer, rendu à 30 ans. Je peux pas avoir 30 ans. J'ai toujours eu 29 ans. Comment on fait? T'as plus l'homme fait. Alors, il y a la psychologie nouvelle qui dit à l'homme, retourne dans ton passé. Hein? Avant, c'était l'hypnose. On fait encore un peu d'hypnose. Il y a eu la psychiatrie, la psychanalyse. Il y a eu la psychologie. On a eu la théologie. On a eu l'exorcisme. On a eu. Ben oui, mais rajoute des moyens. Tant que t'attaques toujours à l'homme de la même pour de régler les problèmes illusoires. On a une psychologie nouvelle qui dit à l'homme qu'il doit faire des compromis. On leur explique dans les couples comment arriver à vivre ensemble. Alors que ce qui amène le couple, on l'a vu dans une conférence dernièrement, est en gros de l'illusion. La psychologie nouvelle qui dit aux jeunes, je te comprends. Mais le jeune qui est nouveau, il va dire, tu me comprends que je me drogue? Bon, ben, je me drogue de bord. Mais non, on dit, je te comprends, mais fais-le plus. Ben, tu me comprends, tu peux pas me dire, tu peux pas le faire. Hein? Quand on comprend quelqu'un, on dit pas, je te comprends, mais fais-le plus. Là, on comprend pas. La psychologie nouvelle. La psychologie nouvelle s'adresse à la personne transitive. Personne transitive dont la majorité des Québécois en sont. Certains le savent, certains ne le savent pas, d'autres le savent, mais ne veulent pas le savoir. Mais qu'est-ce que tu entends exactement par transitif? Transitif. L'homme ancien, ce n'est pas un défaut. Mais c'est une substance qui permet à tout ce qui est force d'involution d'être exprimé sur la planète. L'homme nouveau, ce n'est pas une qualité. Sauf que tout ce qui est manipulatif ne peut pas le toucher. Donc, il ne sert plus d'instrument au décadent. La personne transitive, c'est une personne qui part de l'un, qui va vers l'autre, qui a des symptômes de l'un et des symptômes de l'autre. Et le gros symptôme, c'est être écœuré de ne pas comprendre, être écœuré de ne pas savoir, être écœuré d'être manipulé, être écœuré d'être malade sans raison, être écœuré d'avoir un paquet de gens qui veulent toujours nous récupérer, être écœuré de voir la tradition manipuler l'humain. Ce sont des symptômes, parce que l'homme transitif est un être souffrant. L'homme ancien souffre, mais il est anesthésié. Il s'en rend pas trop compte. Il devient il grossit, il devient obèse, il s'en rend pas trop compte. Les dents, quand il arrive, ça tombe, c'est pas trop. Quand tu vas voir le médecin, il veut pas qu'on le guérisse, il veut qu'on le soulage. Parce que t'as une ulcère d'estomac, tiens, prends ça, viens me voir dans 2 semaines. Tu prends ça, ça fait plus mal. Le médecin, pas guéri, c'est intéressant. Souvent, l'homme transitif aussi devient de plus en plus seul. Il se sent anormal du fait aussi que la société le rejette de toutes sortes de façons. Ouais, c'est qu'il n'est pas encore suffisamment transitif. Premièrement, un être humain transitif se sentira de plus en plus apte à supporter sa solitude. Donc, un être humain transitif de plus en plus sera capable d'aller voir un film seul, de passer son temps chez eux tout seul. À un moment donné, il voudra s'habiller à sa façon. Il souffrira si ce n'est pas suffisamment transitif des reproches d'autrui. La personne transitive est une personne qui va réfléchir d'une nouvelle façon aux choses. Alors, elle va peut-être vouloir lire la Bible, mais elle ne pourra pas faire confiance à la Bible. Certaines personnes qui sont transitives qui ont des symptômes de la transition, mais qui sont encore férues des traditions bibliques, vont souffrir. Parce qu'à un moment donné, on dit dans la Bible certaines choses, et toi, tu découvres que ça ne s'applique plus. Et la grosse partie qui détermine la transition chez l'homme, c'est l'écœurement d'être l'homme. Lorsque l'humain finit par être écœuré d'être un humain, c'est qu'il est suffisamment transitif. Ça vient suffisamment chez lui. Et lorsque j'ai donné des conférences sur l'enfant nouveau, eh bien, justement, j'expliquais que la deuxième cause de mortalité infantile au Québec était le suicide. Et que c'était en croissance. Les filles 5 à 6 ans, ça va être la première cause de mortalité infantile, le suicide. Pourquoi? Parce que l'enfant, à un moment donné, finit par être écœuré d'être un humain. Pourquoi? Parce qu'il est plus intelligent que l'homme. Plus intelligent, non pas parce qu'il a la faculté de lire et de mémoriser plus de choses. C'est qu'il comprend plus vite plus de choses. Il est plus intelligent. Pas intellectuel, intelligent. C'est-à-dire qu'il a, plus que l'adulte, la faculté de savoir une chose sans l'avoir appris. Mais, étant donné qu'il est paramétré par un système scolaire, un système politique, un système familial d'homme ancien, où on lui répète continuellement non pas qu'il doit être lui, mais on veut lui indiquer comment qu'on veut qu'il soit, mais voyant la manipulation, voyant l'illusion, quand l'enfant rentre à l'école puis qu'il voit que les professeurs ne vivent absolument pas ce que les autres leur enseignent, quand il voit les adultes absolument faire l'inverse qu'ils enseignent, quand il voit toutes les choses comme elles sont, mais qu'il n'a pas la puissance encore d'en voir l'intelligence, il s'en va voir l'autre bord, c'est pas mieux. Est-ce que l'homme nouveau devra absolument savoir pourquoi il vit? Non. Avoir des raisons? L'homme nouveau ne devra pas savoir pourquoi il vit, sauf qu'il le saura. Mais celui qui veut savoir, qui veut avoir une raison aujourd'hui, c'est plutôt l'homme transitif. Oui. Oui. Pour l'aider à se supporter dans son... L'homme transitif veut une raison pour arriver à comprendre le pourquoi de sa vie ici. Mais pas une raison imbécile dans le genre, Dieu t'a créé et t'a donné un libre arbitre qui veut voir si tu vas faire le bien ou le mal. Et franchement, il aurait pu me créer parfait, j'aurais fait le bien, on aurait réglé le problème. L'homme transitif ne peut pas supporter des raisons dans le genre, fais le bien présentement et un jour tu seras à la droite du Père et tu seras heureux à vitam aeternam. À jouer de la harpe, c'est un nuage, à tirer la chaîne, ça peut voir sa planète. À un moment donné, l'homme transitif a des problèmes. Qui ici peut réellement, honnêtement, envisager sa vie avec comme terminaison éloquente la mort? Pour arriver à envisager la mort, l'homme transitif, ainsi que l'homme ancien, doit travailler tout au long de sa vie sur une idée, un concept de survie à la mort. Le paradis, terrestre ou céleste, la résurrection des morts, la réincarnation. Sauf que l'homme transitif, finalement, finit par se dire, c'est bien beau, mais la réincarnation, j'ai aucune preuve. La résurrection, j'ai aucune preuve. Le paradis, franchement, vous savez, s'ils peuvent le faire en haut, il aurait pu le faire ici. De toute façon, du paradis terrestre, si je me ramasse là, va être tout seul. Regarde agir les autres, ça marche, chez qui va se ramasser au paradis? Si je suis bon, pur et parfait, on va m'ennuyer à mort avec Dieu. On va être tout seul. L'homme transitif, il avance un peu plus dans sa philosophie ou dans sa conception spirituelle des choses et il découvre des cul-de-sac. Et ça le fait souffrir. Alors, on va lui dire, oui, mais c'est parce que tu ne crois pas assez. Franchement, va croire à quoi? Va croire qu'il va neiger demain et il neige pas. Fait que va croire à Dieu, il m'a des problèmes. Qu'est-ce que c'est que la croyance chez l'homme ancien? C'est la dynamisation d'un espoir. Alors là, on va dire, oui, mais il faut avoir la foi pour arriver à vivre heureux. Peut-être. Mais une fois que tu vas être mort, si tout ce que tu as cru n'est pas là, tant pis. Peut-être tant pis. Sauf que si tu te diriges sur un mauvais chemin avec une foi aveugle, puis que tu aurais eu le temps de ta vie pour arriver à comprendre des choses, peut-être à te diriger un peu mieux, c'est ça qui est la souffrance de la personne transitive. Elle voit quelqu'un mourir et elle peut dire, ah, L'homme s'épate de voir une chenille relève en papillon alors qu'il souffre de voir un être humain mourir. Donc c'est beau, hein, c'est incroyable. Sauf que la personne transitive ne peut plus vivre avec ça. La première chose que l'homme transitif a refusé, c'était la réponse, les voies de Dieu sont impénétrables. Il a compris que ça voulait dire, cesse de réfléchir, faut cap, faut toucher. C'est, pourquoi mon mari est mort? Pourquoi Dieu a fait ça? Les voies de Dieu sont impénétrables. Dieu est bon et pur. Ben, à un moment donné, la personne transitive, elle dit, peut-être Dieu est bon et pur, mais il va falloir que quelqu'un fasse sa job un jour. Pourquoi les bons partent avant les mauvais? Pourquoi mon enfant est handicapé? Pourquoi je porte des lunettes? Pourquoi je fais des régimes sans cesse puis j'engraisse toujours? Pourquoi mon mari me bat? Pourquoi ma fille s'est faite assassiner? Pourquoi il y a la guerre? La maladie? Pourquoi la science géniale que Dieu donne à l'homme? Quand elle guérit une maladie, Dieu lui donne une autre maladie, comme le sida. Pourquoi continuellement, après des millions d'années, on n'arrive pas à rien foutre avec ce qui s'est passé dans le passé? Le Nazaréen est venu enseigner l'amour. Génial, on se voit autant qu'avant. Bon, c'est parfait. Bouddha est venu enseigner une voie de juste milieu pour que l'homme souffre moins. C'est parfait. Il souffre un peu moins parce qu'on vend plus de narcotiques. Valium, psychotique, etc. Alors finalement, la personne transitive, elle tape du pied, elle crie un peu. Elle refuse de sortir, elle veut plus voir les films philosophiques, elle veut plus lire les livres traditionnels. Elle fait quoi? Justement. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle s'ennuie, elle souffre, elle chiale, elle se retire, elle devient solitaire. Si elle ne se suicide pas, elle deviendra un homme nouveau. Mais en attendant, moi, je prends un livre, je prends le livre de la vie impersonnelle. Je commence à lire ça, puis je me dis, ah, c'est évident. C'est évident. C'est évident. Tiens, lisez un bon pour toi, grand-mère. Bon. Puis tu commences à lire ça, puis tu comprends rien. Fait que l'homme 37, qu'est-ce qu'il dit? Ben, voyons donc. C'est bien largué. C'est évident. Alors, il s'en va quelque part, et puis, il décide qu'il fait, ce soir, il sort pas. Bon. Il s'en va quelque part, il s'écrase là, puis il bouge peu. Et là, sa gang de chums vient lui dire, ben voyons donc, il vient avec nous autres, tu le fâcher. Pas le goût. Ah, c'est pas cassé de fâcher. L'homme 37, fait-tu cassé de fâcher? Ils sont tous dépendants de moi pour être heureux. S'ils voient que l'homme est en douille. Allez et soyez heureux! Mais non, faut que tu viennes! Hey, la liberté est où? Tu parlais tout à l'heure d'être seul, de se trouver tout seul, mais qu'est-ce que ça veut dire, un homme nouveau ou transitif qui est seul, mais qui quand même vit dans une société? Ça veut simplement dire que de temps en temps, il permet que l'on se serve de lui et de son corps. Ben, la personne transitive, évidemment, il y a certains paliers de la transition. Mais l'homme transitif, la femme et l'enfant, se dirigent vers de l'intelligence. L'intelligence, ça veut dire qu'il n'y a plus de, il n'y a pas de juste milieu entre la réalité et le mensonge. C'est l'intelligence. Tu es un sénateur, tu es un diplomate, tu es un politicien. Là, on vient de dire, ouais, mais tu sais, l'autre là-bas, là, il a volé, tu sais. Mais parlons-en pas, parce que ça va nuire à la politique. Alors, si tu marches vers l'intelligence, il y a un gros problème. Tu devras faire ce qui est juste. Tu n'auras pas le choix. Sauf que lorsque l'être humain transite vers cette intelligence, une intelligence qui est instantanée, vous savez qu'un jour, vous n'aurez plus besoin de rien d'apprendre. Vous n'aurez plus besoin d'aller à l'école. Les enfants le sentent déjà. Sauf qu'on leur interdit carrément de vivre l'intelligence instantanée. Quand un enfant te dit, moi, j'ai pas besoin de ça, la journée que j'en aurai besoin, peut-être t'en pas moi de l'apprendre. Il n'y a pas un adulte qui peut croire ça. L'adulte ben ancien, il dit, ah, ben moi, là, quand j'avais ton âge, ben ancien. Parce que, tu sais, quand j'avais ton âge, je prenais le tracteur, j'allais ramasser les bêtes de foin. Un petit jeune va te dire, moi, ce que je peux ramasser, c'est le foin. Les bêtes de foin, les champs, ça, il n'y en a plus. L'homme se dirige vers l'intelligence. L'intelligence, ça veut dire que vous n'aurez plus besoin de la Bible. Ça veut dire que vous n'aurez plus besoin du Coran. Ça veut dire que vous n'aurez plus besoin de la Bhagavad Gita, que vous n'aurez plus besoin du Talmud, que vous n'aurez plus besoin de la du passé. Est-ce que, je t'arrête deux secondes, mais est-ce que, bon, on donne des commandements et des choses. Tu ne tueras point. J'ai pas besoin de la Bible, moi, pour ne pas tuer. Parce que je vois l'intelligence de préserver la vie. L'homme transitif qui est encore attaché à la tradition est convaincu que sans la tradition, l'homme ne peut pas vivre. Moi, j'ai pas besoin d'un Dieu pour me dire quoi faire. Je le sais quoi faire. Et l'homme qui est transitif, à un moment donné, veut voir clair. C'est un peu comme dans le genre d'un bandeau. Faites-vous encore motiver. Je suis ton pasteur, t'es le mouton. On dit la brebis, c'est moi le cochon. Bon. Alors, je suis le pasteur, t'es la brebis. Garde les yeux fermés et aie conscience. Et à un moment donné, moi, dire à Dieu, tort, Dieu, c'est autre que dans le bandeau. T'auras plus besoin de t'occuper de moi, moi, tu vives. M'a libéré. Mais il faut croire que les égrégores religieux veulent pas que l'homme voit clair. Alors, on a l'islam qui est convaincu que tu ne vas au ciel que si tu meurs sur un champ de bataille en tuant un infidèle. Le terroriste, il est pas réglé, il est bâti sur un djihad, sur une guerre religieuse. Une guerre sainte. C'est d'ailleurs ce qui, normalement, entraîne des conflits multinationales, internationales, planétaires. Des guerres mondiales. Adolf Hitler avait mixé la religion, les sociétés secrètes, la Wehrmacht, la Gestapo, la SS, avec la politique. Très dangereux. Ça engendrait une guerre religieuse où on voulait ramener la race aryenne, éliminer les autres races. Fait, présentement, le phénomène de terrorisme international est basé sur l'islam. Puis comment voulez-vous aller rencontrer l'islam et leur dire « vivons en paix ». Le gars va te dire « tu veux qu'on vive en paix ? Toi, quand t'es en paix, tu vas au ciel. Moi, quand je suis en paix, je vais en enfer. » Moi, pour aller au ciel, il faut que je te tue. L'islam, ce qu'elle n'a pas compris, c'est qu'elle veut que tout le monde se convertisse. On devrait leur faire un coup de cochon, tous se convertir. Il n'y aura plus des filles à la tuer, ils vont se donner en enfer. C'est primordial dans cette religion. Tu ne vas au ciel que si tu meurs sur un champ de bataille en train d'infidèles. Savez-vous qu'est-ce qu'ils font les jeunes de 13, 14, 15 ans? On va aller dans les écoles puis on demande des volontaires. Alors, ils lèvent toutes leurs mains, on en choisit, on prend un premier de la classe, en avant. Et puis, habillés avec un brassard blanc, comme quoi ils ont été, ils sont voués à Allah, ils s'en vont en avant des chars d'assaut pour faire sauter les mines. De façon à libérer le chemin en arrière pour les troupes. Comment veux-tu expliquer quelque chose à un peuple comme ça? Ça ne se fait pas. Toi, si tu es prisonnier, on te met dans une prison, on ne te tue pas. On prend de ton sang pour le transfuser des soldats qu'on ramène. Quand tu n'as plus de sang, ben là, t'es mort. C'est pas de la faute. T'es pas assez gros. L'homme transitif, lorsqu'il voit ce genre de choses, ne peut pas faire autrement que de souffrir de cette stupidité planétaire. Et c'est ça qui l'amène à une souffrance. Moi, je ne souffre plus parce que j'en vois l'intelligence. Cette intelligence est géniale. Sauf que l'homme voit quelque chose de génial lorsqu'il voit une fleur sortir. Quand il voit un éléphant qui les tue, il ne comprend plus la génialité de la chose. Pourquoi Dieu voit-il une fleur pour qu'un éléphant l'écrase? Première souffrance de l'homme transitif. Deuxième souffrance, le refus de ce Dieu parfait qui te donne des enfants handicapés, qui te donne des alcooliques, qui te donne des sociétés de guerre et qui apparemment s'exprime dans différentes divinités pour forcer les peuples à se battre les uns contre les autres au nom des dieux. Que ce soit les croisades, que ce soit le Troisième Reich, que ce soit ce phénomène de l'islam. La personne transitive souffre encore plus lorsqu'elle découvre qu'elle est habitée par quelque chose, un ego, et finalement un anti-homme. Et ça le fait chier, l'homme transitif. Il va voir son patron, puis il transpire. Puis il est gêné. Puis il a peur. Puis là, il dit, bon, mais c'est niaiseux. Quand la personne transitive n'est pas suffisamment transitive, il y a une chose qu'elle ne sait pas. Ce qu'elle exprime, ce n'est pas elle. L'homme ancien est convaincu que ce qu'il exprime, c'est lui. L'homme ancien va dire, voyons donc, je suis bien nerveux. L'homme transitif va dire, vous, on dit que c'est niaiseux. Il se rend compte que c'est pas lui. Je veux le voir, je sais quoi dire. Quand j'arrive, j'ai tout oublié. C'est-tu par là? Dieu a un potentiel dans l'homme. C'est fort. La personne transitive, elle souffre lorsqu'elle découvre que finalement, elle reste assujettie à son plan émotif. Alors, elle va dire comment contrôler les mauvaises émotions. Elle transite un peu plus, se rend compte qu'il n'y a pas de mauvaises émotions. Que l'émotion, nécessairement, est le meurtre de l'instantanéité. Le meurtre du sentiment. Sauf que pour cela, elle devra transiter, souffrir suffisamment pour découvrir que l'homme n'est pas sur la terre pour être heureux, que l'homme n'est pas sur la terre pour vivre en paix. Il y a d'autres choses à faire que ça. Ce sont des chemins intéressants pour parvenir à ce qu'on a à faire. L'homme transitif découvre aussi, finalement, qu'il n'est pas là pour servir. Moi, faut que je te serve, faut que tu me serves. Mais ça veut pas, ça veut pas. Je donne toujours ce que tu veux pas, je donne toujours ce que je veux pas. Apparemment, faut que je dise merci que ma politesse, qu'on ait l'illusion d'être heureux. Donne-toi donc ce que tu veux, puis là, je m'en fais. Là, ça va bien marcher. Quand on va tout avoir ce que je veux, tu auras tout ce que tu veux. On pourra pas se battre. On pourra pas chicaner. Il y aura pas de conflit. Ma tête accomplie, tu vas être accompli. Comment veux-tu qu'on s'assiste? C'est pas en se servant mutuellement qu'on arrive à la paix. Mais une c'était l'illusion. Mais une société sans intention, c'est pas pensable. Oui. Ben oui, c'est pensable. C'est vraiment pensable. Sauf que tu ne peux pas présentement vouloir envisager la société actuelle avec les hommes nouveaux dedans. Uh-huh. Non, la société actuelle, elle va changer en maudit quand il y aura suffisamment d'hommes nouveaux. Qu'est-ce qui va avoir l'air à partir de nos enfants, peut-être de la deuxième génération des enfants, qu'est-ce qui va avoir l'air cet homme? Pas juste les enfants. Il y a beaucoup d'adultes présentement qui sont en phase mutatoire, en transition suffisamment pénible, qu'ils risquent de devenir des hommes nouveaux avant leur mort. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, là, tu t'assois, tu crois à Dieu, tu marches, tu lis le ça me rend pas, tu vas faire quelques séances spiritiques, tu vas suivre certains conférenciers un peu partout dans la région, et tu lis certains livres, tu écoutes les gars à la télévision, hein, ceux qui font des shows. Et puis, à un moment donné, que tu rencontres peut-être même le Nazaréen ou Dieu dans ta tête, à un moment donné, tu te dis, que moi, si je le rencontre, tu te restes rescapé. Tu commences à souffrir. tu commences à te demander pourquoi ça ne va pas. Tu commences à douter des traditions, des maîtres. L'âme transitive ne veut pas rencontrer un maudit maître. Il va être son propre maître. Ben oui, mais c'est normal. Par contre, il faudra qu'il s'anégoïse, qu'il accepte de rencontrer des informations pour l'aider. Mais qu'il ne s'assujettit pas émotivement à l'information. Bon. À un moment donné, à travers tout ce qu'il va vivre, à travers l'incompréhension de ses collègues de travail, à travers l'initiation dans le couple, le bonhomme y avance, la femme ne suit pas, la bonne femme avance, la bonhomme ne comprend pas, à travers aussi le phénomène des enfants, à travers toute cette société où l'humain va se dire, moi, à un moment donné, il va avoir comme un feeling, j'embarque dans mon auto, je suis dedans mon auto, elle devrait pas avoir de problème. Et il y a des humains qui découvrent qu'effectivement, dans leur auto marche bien, ils l'apprêtent tout de fond. Il y a des personnes qui l'entendent découvrent que les appareils électroniques ne fonctionnent pas dans leur voisinage, près d'eux. D'autres découvrent qu'ils marchent mieux. Ce sont des symptômes de la transition, on joue un peu. Et lorsque la personne transite de plus en plus, elle va découvrir que ce n'est pas elle qui pense, qu'on pense dans sa tête, donc qu'elle est manipulée. Comment elle va découvrir ça? Elle se couche, elle dit « bon ben je dors ». Là, je dis « hey, en haut, fermez donc vos grandes gueules, je peux dormir ». Et puis là, elle se couche de l'autre côté, là, ça pense à demain. Peut-être « je veux dormir, j'ai besoin de sommeil ». Elle se couche, ça continue à penser. Ça pense à l'école, ça pense aux enfants, ça pense aux examens, ça pense aux parents, ça pense. Alors l'homme transitif finit par se dire « ben, bout de plug ». Et ça pense toujours dans ma tête quand je veux pas. Puis c'est pas moi qui pense. « Hey, c'est-tu écœurant? » Je les comprends plus. C'est pas moi qui pense. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce qui reste de l'homme lorsque l'homme a découvert que tout ce qu'il pensait être n'est pas lui? Qu'est-ce qu'il reste de l'homme? C'est ça la grosse peur de l'homme ancien lorsque je parle de l'homme nouveau. Il dit, ouais, mais l'homme nouveau, c'est un robot. Non. L'homme ancien, c'est un robot. La preuve, vous garantissez n'importe quoi qu'on va dans le métro ce soir, puis le premier qu'on rencontre, on donne une claque d'en face, je peux vous prédire sa réaction. Il est programmé au bout, tout. Bon. Sortez 100$, donnez-lui. Il va reculer, il va avoir peur, il va le prendre pareil, mais il va douter. Il va rencontrer une personne âgée, une personne qui a des problèmes. Dernièrement, j'étais dans le Nord, il y a un monsieur qui sort avec 3 sacs d'épicerie, dont un en train de... Tu sais, où est-ce qu'il est le taux, où est-ce qu'il est le taux, où est-ce qu'il est le taux. Je m'approche du bonhomme et puis je lui demande, est-ce que je peux prendre un de vos sacs? Et il l'a acheté, il lui tient pas à me le donner, le sac. Programmation facile, l'homme ancien est un robot. Bon. Tu l'as ajusté un peu? Ben oui, je lui ai expliqué que je partirais pas avec son sac et j'aime pas ces biscuits-là. Là, il a tout de suite drôle. Et puis, de toute façon, le sac est en train de tomber. Alors, j'ai pris le sac et puis je lui ai expliqué que dans ce magasin, on fournissait des sacs en plastique retenus avec des poignées. On peut en tenir 4. En papier, on en tient 3 après. On a amené ça dans son auto. Il m'a dit merci. Je savais pas s'il me payait, s'il me payait pas, mais j'étais plus là. C'est facile. La personne qui continue à transiter, donc, découvre qu'elle est manipulée. Qu'est-ce que c'est que manipuler? Elle se lève un matin, c'est le faux. Elle se lève un matin, ça marche bien. Elle rencontre quelqu'un, ça va. Elle rencontre la même personne, ça va pas. Elle se couche le soir, elle dort pas. Le matin, c'est fin de travailler, elle s'endort. Ça finit par se dire le libre-arbitre. C'est vrai que le libre-arbitre existe, c'est tellement libre, le libre-arbitre qui s'est sauvé. C'est poussé. Il est libre, il est plus là, il est parti, c'est pas qu'il est vrai. Il est même pas sous contrôle de l'homme, le libre-arbitre. Il est libre! L'arbitre. Alors, l'être humain, il dit bon, alors demain, ma journée va être parfaite. Tu te lèves, t'embarques dans ton auto, puis elle part pas. Alors, la philosophie orgueilleuse de l'homme, elle lui dit, non, continue à rien, hein, le libre-arbitre, c'est qu'inconsciemment, t'as voulu qu'elle parte pas. Hey, franchement. C'est consciemment, je veux gagner à l'autre, mais je gagne pas parce que consciemment, je veux pas. On est bâti comment? T'es malade, t'es inconsciemment, tu veux être malade. Ta femme est morte, t'es inconsciemment, tu veux qu'elle meure. Il y a eu un accident, parce que t'es inconsciemment. Ça, c'est une philosophie longtemps enseignée par les récupérateurs de l'homme ancien. Et c'est encore enseigné. C'est encore enseigné. Non, le taux pas parce que consciemment, on veut pas qu'elle parte. Hey, inconsciemment puis consciemment, on veut qu'elle parte. Il y en a même qui a le maintien pour les feux. Là, est-ce qu'elle passe? Le moteur ne démarre pas. L'homme transitif se dit, quelle maudite planète que c'est que ça? Déjà assez qu'il faut que tu roules dans le trafic, que tu attendes que le moteur se réchauffe pour te réchauffer parce que ton corps, apparemment, il est pas brossé pour vivre dans le froid. En plus que faut aller travailler pour gagner ta croûte parce que tu peux pas la faire apparaître ou carrément pas en avoir besoin, là, faut que le chat en parte pas. C'est quoi l'idée? Mais l'homme, j'ai travaillé dans les ambulances. Tu mets un nouveau-né à ce que tu ramasses au CH de Verdun dans un incubateur pour l'amener à Saint-Justine avec un médecin, une infirmière et un inhalo là-dedans. Puis tout le long, tu t'en vas, il y a du trafic. L'incubateur marche mal. La dynamo qui fait du 110 a des problèmes. Puis Dieu là-dedans. Fait qu'on met à serrer nos bouts pour le réveiller. Ça réveille l'enfant, ça le sauve. Ça stimule, il a peur, il comprend pas, puis là, ça remarche. Mais de temps en temps, ça marche pas. Peut-être qu'il faudrait mettre la sirène dans l'ambulance. Remarquez bien, là. C'est le personnel qui pourrait plus rien faire. L'homme 36, il va dire, ça part, c'est créé de main d'homme. Le soleil est en plastique. Elle, elle est naturelle. L'homme 36 va dire, il pourra pas accepter dans sa substance psychologique que c'est du hasard. Mais il ne pourra pas accepter en même temps que ça a été créé par un Dieu créateur. Alors, il branche où? Ça a été créé? Non. C'est du hasard? Non. Ça vient de où? Je m'en fous. Laissez-moi en paix. Pénible souffrance de l'homme transitif. Il se rend compte à un moment donné qu'il entend moins bien. Ou qu'il voit moins bien. Ou qu'il goûte plus rien. Il découvre que sa santé est pourrie, alors il se prend en main, il mange bien et tombe malade. Et ça, il y a énormément de personnes qui vont vivre ce schéma. Il découvre que bon, je vais être plus patient. Et là, ils sont impatients d'arriver à la patience. Et plus il veut être en paix, plus on dirait qu'ils sont dangereux. Ils se rendent compte qu'ils sont manipulés et ils découvrent aussi qu'ils peuvent manipuler et ils ont peur de cette puissance. Alors ils souffrent, ils souffrent. Je ne peux pas souhaiter à un homme ancien de devenir un homme transitif. Ce serait satanique. Sauf que je les regarde aller et ils transitent. Pas de la faute, pas de l'heure, pas de la faute de quiconque. Chose certaine, c'est que c'est naturel, ça se fait. Ça se fait sans intention. Et ça, c'est qu'on comprend. L'homme n'a jamais contrôlé son évolution. Oui, on ne comprend pas ça. Non. Et c'est pourquoi, lorsque la personne transite, tout à l'heure, là, il y a des choses qui vous arrivent. J'aimerais bien qu'on pose des questions. On va faire une période de questions spéciales. Au lieu de parler bien longtemps sur chaque phénomène, c'est intéressant que tous les doutes que vous avez, des symptômes, des cochonneries, des ceci, des cela, qu'on les écrive, puis qu'on puisse regarder si c'est symptomatique d'une transition ou non. Il y a des personnes qui, à un moment donné, vont être capables de se retrouver seules, à rien faire, et s'ennuyer. Et évidemment, l'entourage va vouloir les guérir. Ben oui, parce qu'un homme qui travaille pas, qui fait rien, c'est pas normal. Même un enfant qui t'assoit, qui regarde dehors, il est autistique. Non, il aime regarder les oiseaux. Ben oui, mais il faudrait peut-être qu'il aille à l'école. Non, mon professeur est plus laid que les oiseaux. Ouais, mais si tu apprennes des choses, j'ai pas besoin d'apprendre des choses. Voyons donc. On va l'amener voir un psychologue, un psychiatre, psychologie nouvelle, qui comprend absolument rien des choses neuves. Et puis, on va vouloir expliquer à l'enfant comment être normal. Puis l'enfant, lui, veut pas être normal. Il veut être lui. Il y a beaucoup d'adultes qui ne veulent plus être normaux. Ils veulent être eux autres. OK. Mais dans une société ou d'aujourd'hui? On s'en fout de la société d'aujourd'hui. Le gros problème que les gens posent, oui, mais dans notre mode de société, si moi je change, comment je fais pour pas que ça paraisse? Ah, mais comment je fais pour vivre? Oblige. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, obliger? Ça veut dire que toi, tu dois être toi. Quand t'as une augmentation, tu veux chercher, sois comme le boss veut toi. Quand tu l'as eu, sois toi. Tant pis pour le reste. Être toi ne veut pas dire que tu es impoli. Mais tu sais, à un moment donné, bonjour, comment ça va bien, les gens? Ah, t'as coupé les cheveux! Ils voient qu'ils sont niaiseux! T'sais, hey, c'est un nouveau compte, ça? Bon, belle! Faut savoir, j'achète toutes les comptes de ma vie que je lui montre, qui touche toutes, qui me laisse en paix après ça quand même. Tu sais, la personne transitive a fini par se dire, cap, louche! Tu sais, ça devient un non-sens. Ça devient absurde. Alors, dans ta société, l'être transitif, la majorité des Québécois, vont devoir souffrir. Il y en a qui sont transitifs, mais veulent absolument rester collectifs. Ceux-là vont souffrir un peu plus longtemps que les autres, puis un peu plus à un moment donné. Tu dois accepter immédiatement de faire fumer. Vous êtes, lorsque l'être humain est transitif, il est nécessairement anormal. Ce n'est pas normal que de se diriger vers le bonheur. C'est prescrit par la religion, mais interdit. Ce n'est pas normal d'être bien dans sa peau. Or, tous les livres l'enseignent. Mais allez pas le dire que vous l'avez, on ne croira pas. Ce n'est pas normal. Justement, on va même te poser la question. Oui, mais il doit y avoir sûrement quelque chose que tu as oublié quelque part. Oui, il y en a beaucoup qui sont là, qui viennent en conférence de temps en temps, qui attendent que je me fasse démolir par les questions. Ils attendent que je tombe. Ben, moi, ça me dérange pas, tant que c'est. Si on a de l'argent à faire, qui viennent. Bon. La personne qui, continuellement, je reviens souvent avec l'exemple de l'enfant parce que c'est le plus évident, mais chacun ici le vit à sa manière. Faites la transposition dans vos vies. Lorsque l'enfant va dire, moi, j'ai pas besoin d'apprendre. Ben, je me prends pour moi. Qu'est-ce que tu vas faire demain? Avec ça, pas besoin d'apprendre. J'ai toujours expliqué aux jeunes, quand j'ai rencontré dans les écoles de décrocheurs, que si vous arrivez à passer toute votre jeunesse scolastique, votre jeunesse scolaire, à faire l'école missionnaire, sans jamais vous faire pincer, vous allez être des grands boss plus tard. Parce que vous arrivez à jouer avec la société. Mais ici, tu vas tout de suite les déclamer, tu les bébelles, suis tout, tu vas être bon employé plus tard. Mais c'est pas toi comme les jeux. Tu peux pas. Alors, la personne qui transite, à un moment donné, elle veut changer de look, elle veut changer d'emploi, et c'est le problème, elle doit conserver son emploi jusqu'à temps qu'elle en ait un autre. Il y en a qui lâchent avant. Après ça, ils travaillent pour le gouvernement fédéral. Sur le bien-être social. C'est un danger de la transition. Oui, mais je suis écœuré d'aller là, c'est... Vas-y. C'est le snobisme de la transition. Où l'être transitif, finalement, finit par être récupéré, et il se croit suffisamment différent pour penser qu'il doit vivre dans un monde différent. La planète Terre, elle est là. Si vous voulez un monde différent, changez-la. Et lui-même va dire, oui, mais le respect pour autrui. Le respect pour autrui, c'est de les laisser être ce qu'ils sont. Mais ce n'est pas de vous plier à ce qu'ils veulent que vous soyez. Aimez-vous les uns les autres, qu'a dit un jour le Nazaréen. Oui, et aimez les autres comme vous-même. Donc, commencez par vous supporter. On verra après. Chose certaine, c'est qu'un être humain qui décide d'être autonome, qui décide de se prendre en main, qui décide d'être lui malgré les autres, nécessairement libère les autres, devient un exemple vivant pour autrui, et qu'il le veuille ou non, il aide autrui. Comment qu'on fait pour décider alors qu'on est supposé d'être sans intention? Quand tu vas décider, c'est parce que ça va être le temps que tu décides. Ça te va-tu? Non. Ben, tu y penses, ça va t'aller. L'homme nouveau, qu'est-ce que c'est? Après sa phase de problème psychologique, problème sociologique, social, familial, comment ça s'opérer quelque chose dans sa tête et dans son système endocrinien? Le système neuronique, on dit qu'on se sert d'un dixième de notre cerveau. C'est génial. Mais à un moment donné, il faudra qu'on se sert d'un peu plus qu'un dixième de notre cerveau. Le reste n'est pas juste là, stand-by. Alors, il y a des mutations qui commencent à s'opérer à l'intérieur du cerveau. Il y a entre les neurones, il y a des fils conducteurs, des axones. Il y a des bris, il y a des périphériques qui se créent, et lentement, il y a une reprogrammation. Il y aura perte de mémoire chez certains individus, même jeunes. Il y aura des bourdonnements d'oreilles, de temps en temps, différents, plus longs, des acouphènes, qui pourraient être symptomatiques, c'est-à-dire instruire l'individu de ce qui se passe dans sa tête, qui a contact avec l'ajusteur de pensée, qui est en train de s'opérer au niveau neuronique. Mais ça, c'est pas grave, ça se passe. L'individu vit des perturbations qui peuvent affecter son système oculaire, qui peuvent augmenter sa pression sanguine. Là, on va donner des médicaments, des diurétiques pour baisser la pression, mais le cerveau détecte des choses dans le corps qui n'existent pas, et il oblige le corps à se défendre alors qu'il n'y a pas rien à se défendre. Ça crée les maladies de l'homme nouveau. Il y aura des problèmes coronariens, des problèmes cardiaques, des problèmes digestifs, mais alors ça, il y en aura. Il y aura des problèmes endocriniens. Lentement, la mutation va se poursuivre jusqu'au niveau du système endocrinien. Il y en a qui vont commencer à puer plus. D'autres vont sentir bon. C'est original. L'évolution, ça n'amène pas l'homme à être plus beau. Ça amène l'homme à être un réceptacle d'intelligence. Quand il recevra l'intelligence, s'il y a intelligence, tu dis, est-ce qu'il soit beau, il sera beau. Mais en attendant, non. Il y en a qui vont rajeunir, il y en a qui vont vieillir. C'est temporaire. C'est amusant. Et lentement, cette mutation, elle amène à l'humain quelque chose de neuf. Il comprend soudainement des choses qu'il ne comprenait pas avant. Et là, parce qu'il ne comprend pas tout, il va dire, comment ça se fait qu'ils ne comprennent pas? Les autres n'ont pas encore une conscience neuronique capable de recevoir cette intelligence. Et parce que l'homme transitif découvre ça, il se bloque. Il se dit, il vibre émotivement qu'il est supérieur. Et c'est dangereux, très dangereux, parce que là, il peut se faire ramasser par le fond de culotte. À un moment donné, il pose une question, puis il y a une réponse immédiate qui suit. Ça traumatise. Et l'ajusteur de pensée commence à être opérationnel. L'homme, transitif avancé, pose des questions et se répond. C'est ça, le savoir instantané. Ça, c'est intelligent. T'as plus besoin d'aller voir l'autre. Regardez comment ça peut être fou. La personne transitive finit par se dire, « Moi, je le sais pas. Fait que je vais le demander à lui. » Mais lui, il a fallu qu'il apprenne quelque part. Mais l'autre, il a fallu qu'il apprenne quelque part. Puis l'autre aussi, puis l'autre aussi, puis l'autre aussi. Jusqu'à temps que quelqu'un a fallu qu'il l'apprenne pas, mais qu'il l'enseigne. Mais si ça se peut dans le passé, pourquoi ça se pourrait pas maintenant? Et pourquoi moi, je pourrais pas? Et l'homme ancien dit tout de suite, ben, il y a l'autre pour qu'il se trompe. Pourquoi y a-t-il eu des prophètes accrédités dans le passé et cela est-il interdit aujourd'hui? Pourquoi? Albert Einstein, on lui dit qu'il n'y a absolument pas d'études scientifiques. Qui s'en est donc joué du violon? Et 30 ans après Albert Einstein, la science est révolutionnée par ce bonhomme. Ce bonhomme, il savait instantanément des choses. Mais il n'avait pas le choix, de toute façon. L'homme n'a pas le choix. C'est en train de dire ça. Mais ça sert, oui, non, mais c'est que ça apporte une dimension que finalement, on a toujours l'impression qu'on choisit son orientation, qu'on peut, comme tu disais tout à l'heure, on a une certaine libre arbitre, mais qu'on en a peut-être un petit peu. La libre arbitre est dans l'illusion. Tu peux croire ce que tu veux. Ça ne changera rien ce qui se passe chez toi. Tu avances comme ça. Tu décides d'être dans le fossé. Tu avances comme ça. Mais là, tu dégratignes les fesses un peu. Là, tu décides que ça va par là. Là. Tu commences à monter dans le fossé. La terre a des boules. Tu as l'impression que tu avances. Tu continues d'avancer par là-bas pareil, sauf que tu ne sais pas. Puis quand le chemin tourne, bon, ça y est, tu contrôles. Puis quand le chemin retourne encore, bon, qu'est-ce qui arrive? Merde, ça empêche de contrôler, puis on recommence. Non, là, l'homme, il ne contrôle pas. L'homme, il s'amuse. Toi, là, je te dis que il y a quelque chose chez toi qui va t'indiquer là où il y a les points d'eau pour boire, là où il y a les plantes comestibles à manger, là où il y a tout ce que tu as besoin. Et l'orgueil, l'homme se dit, tu sais, moi, je suis tout ça, là. Paraît que de l'eau, là, va aller en boire là, d'où. Fait que là, tu te ramasses dans les épineux, tu te ramasses dans les trous, tu te ramasses dans les arbres très denses, tu manques d'eau. Quand il pleut, tu te fais mouiller, tu as froid l'hiver, tu trouves plus rien. Ben, t'es un homme, c'est plaisant. Avec ton libre-arbitre. L'homme est réellement dans l'armée, hein? L'homme est dans l'armée! Toute la manipulation collective lui dit quoi faire, il le fait. Et comme dans l'armée, l'homme est un général. J'ai déjà dit qu'un général ne doit jamais se rendre, même à l'évidence. Et c'est ce que l'homme fait. L'homme entier s'assoit sur son derrière et il dit le travail est sacré, spiritualité. Et inconsciemment, il rajoute qu'il ne touchons pas. L'homme nouveau va travailler de toute façon. L'homme nouveau travaille. Il devient plus intelligent, il découvre qu'être pauvre, c'est un péché. Pour expliquer à l'homme ancien, parce que ce n'est pas un péché, c'est une condition inappropriée à l'avancement évolutif de sa condition. L'homme transitif découvre qu'il doit penser seul. Alors, à un moment donné, il va à une conférence et en sortant, il ne demande pas à l'autre ce qu'il en pense. Ils peuvent discuter de points énergétiques entre eux. L'homme transitif finit par se rendre compte que parler pour rien dire, ça, on perd de l'énergie. Alors, il veut couper. L'homme transitif finit par se rendre compte qu'il a besoin d'énergie. Alors, il ne veut plus perdre son temps, donc sa vie, avec des individus qui ne font que le têter. Sinon, il chargera de l'argent. Au moins, il y aura un échange d'énergie. L'homme transitif veut travailler de moins en moins pour avoir de plus en plus. Parce que c'est intelligent d'avoir du temps, d'avoir de la matière pour voyager, pour faire des choses, découvrir la planète, devenir planétaire. L'homme transitif finit à un moment donné par marcher dans la rue et il y a quelqu'un qui le bouscule. Et il est tout ébranlé et ça ne le dérange pas. 2 ans après, il se promène, quelqu'un le bouscule, la personne rebondit sur lui, la personne tombe à terre. Et il se dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Très bien fait. L'homme transitif continue à marcher et à un moment donné, c'est un automobile qui vient le frapper. Il leur vole, il tombe à terre dans la rue, il roule. Il se relève et il n'a rien. Mais l'homme transitif qui vit cela souffre. Parce qu'il est anormal. Très anormal. Beethoven a souffert. Mozart a souffert. Einstein a souffert. Ils étaient tous mieux et pour cela, ils souffraient. Parce qu'ils voulaient être comme les autres. L'homme transitif qui doit avancer suffisamment, s'il veut se libérer de la souffrance, il doit ne pas vouloir être comme les autres. Il doit accepter d'être ce qu'il est. Vous savez que lorsque l'homme va accepter d'être ce qu'il est, l'évolution va se faire à une vitesse folle. Parce qu'il va arrêter de dire, oh, minute, la chaise vient pas, oh, mon chum vient, oh, la famille! Si moi je comprends tout, ils comprennent rien, faut que je m'en aille. Nazarien, il a dit quoi? Prends ta croix, va souffrir. Ou vends-la aux pauvres et lâche-moi. C'est comme ça, ce qu'il voulait dire. Bon. Alors, l'être humain, à l'instant où l'homme accepte d'être naturel, lui, la personne, elle est en train de prendre sa douche chez elle, d'un coup, elle dit, elle vient me sortir, les autres, ils vont penser quoi? Là, elle cherche entre être elle, et en même temps, il y a la souffrance mémorielle de l'ego qui lui dit, « Hey, t'es cochon. » Et l'autre, il se dit, tabarnouche. Là, il fouille dans sa tête. Dieu crée à l'homme à son image et à sa ressemblance. Il dit à l'homme, cache-toi, t'es comme moi, j'ai honte de moi, t'es honte de toi. Là, c'est pas ça qui est écrit. On vient, les religions disent, tu viens au monde avec ça, pas de greffe, pas de transfusion sanguine. Ben, les mêmes religions, elles disent, habille-toi bien. Pourtant, viens pas au monde habillé. Fait que tu tiens un problème. L'homme doit accepter d'être naturel au dépens, au mépris de ce que les autres vont penser. Et l'homme ancien a tellement été encarcanisé dans une sphère de respect pour autrui, malgré lui, que lorsque je dis « respecte-toi malgré les autres », il y a bien des capitaires. Il faut quand même qu'il soit écologique avec son milieu, il va l'être. Non, c'est respect. Si moi je sors de la chambre de bain, pas habillé, puis que je mange une claque d'enfer de toute la famille, c'est avec moi je suis pas écologique, pas que les autres. Ou je déménage, ou je vous mets une serviette. Si tu décides de prendre le métro avec un grand Nemo, ça te dérange pas. Mais si tout le monde te regarde, tu t'en souffres, mais pas ton Nemo. Là, tu vas dire, oui, mais je peux pas être naturel. Non, non. Faut que tu sois capable de supporter ton état. Lorsque moi, je suis capable de supporter mon état, il y a personne pour m'empêcher de l'être. Personne. Un enfant qui sort sans vêtements d'une chambre de bain, un enfant de 3-4 ans, il sort en rien, il s'en va. Il peut supporter son état, il va frustrer aucun adulte. Ah, comme les vieux, les personnes anciennes, peut-être, là. Puis encore, il peut supporter son état. Mais toi, tu ne peux pas supporter ton état, je ne joue pas à l'homme transitif, puis je ne veux pas à l'homme nouveau. Mais, lorsqu'on vibre quelque chose, si vous ne voulez pas perdre cette vibration, exprimez-la. Et là, on transite. À un moment donné, tu te promènes quelque part, et il y a un avion qui tombe dans la ville et qui écrase tout le monde. Là, il y a un coco dans l'eau qui s'en relève, qui casse une tôle. Ça, c'est notre personne transitivement très avancée, presque nouvelle. Et qu'est-ce qui s'est passé, justement? Ben, il s'est passé simplement qu'elle refuse d'être écrasée par un avion. Elle trouve ça stupide à un point tel que l'avion ne peut plus l'écraser. Le bateau veut couler, le bateau coule, puis elle regarde couler, puis elle dit « Maudit qu'ils sont niaiseux! » Elle marche sur les eaux et elle s'en va. « Oh, ouais, t'es trahi en maudit! » Ben, elle essaie de croire à la Bible, parce qu'il en parle. Elle essaie de croire à Dieu aussi, il fait combien de trahi. Dieu créa le monde! Ben, on peut marcher sur l'eau, hein, je pense qu'on est fait à son image. Si on peut pas créer de monde, on peut au moins marcher dessus. Le char, il peut partir l'hiver quand il en a besoin. Sans. Tu t'en vas au magasin, tu cherches pas un stationnement, tu t'en vas au magasin et tu stationnes. Les hommes anciens sont meilleurs. Mais toi, t'as ton stationnement privé. Quand t'arrives par le métro, il est là. T'attends pas après le métro. Certains disent que je suis en métro. Non. L'homme nouveau est ce qui est prédit, promis, prévu par toutes les religions. Une religion est une technique. Elle permet à l'homme de se relier à Dieu. Toute bonne technique doit enseigner à l'homme à se passer d'elle. Je sais que le Nazaréen n'adhérait à aucune religion. Il était la religion. Lorsque l'homme, lorsque le Nazaréen, il y a beaucoup de personnes qui honorent le Nazaréen. Et lui-même a dit un jour, vous ferez comme moi, et même plus. Ah, ils sont emballés. Mais ils ne croient pas. Parce que s'ils croiraient, ils le feraient. Est-ce qu'il y avait vraiment les moyens physiques de le faire? Ce ne sont pas les moyens physiques. Je dis qu'un jour, l'homme sera indestructible, qu'il sera immortel et qu'il aura un corps éthérique comme le Nazaréen n'a eu. À cette époque, il sera androgyne, il n'aura plus d'enfants. Parce que les enfants nous permettent de nous réincarner dedans. Quand t'es immortel, t'as plus d'enfants. Bon. Mais ce qui arrive, c'est que le Nazaréen le dit, cela va arriver à un moment donné, et c'est évident que l'homme pourra se débarrasser de toutes les contraintes matérielles. L'homme n'aura plus besoin de manger, il n'aura plus besoin de respirer, il n'aura plus besoin de corps physique, il n'aura plus besoin de tous ces genres de choses. Il y aura 144 853 bonhommes, bonnes femmes, androgynes, qui recevront par réincarnation pluralitaire toute l'humanité, du passé comme celle de l'actuel. Il y a personne qui est oublié, vous savez, l'enfer, ils sont brûlés pendant l'éternité, et il en faut du combustible. L'enfer, c'est la mémoire astrale archétypale de la densification de la planète Terre. Un jour, la Terre était des gaz. La matière, elle enregistre toutes les cassettes, la photo, c'est de la matière qui enregistre. La Terre, elle s'est densifiée pendant presque 3 milliards d'années. Et les mémoires de ce feu majeur, de cette densification, de ce refroidissement, c'est cette mémoire qui, dans les archétypes cosmiques, vont nourrir l'homme de cette idéologie de l'enfer et du feu infernal. Mais ce feu infernal est de plus en plus éteint dans la mémoire parce qu'il y a de nouveaux archétypes, des néotypes, des choses nouvelles. L'homme va le faire. Le Nazaréen dit que vous ferez plus que ce qu'il a fait, ça va de soi, parce qu'il n'avait pas un corps physique suffisamment puissant pour faire ce que bientôt l'homme fera. Le Nazaréen adorait son père dans le ciel. Quelque temps après, le Nazaréen n'adorait plus son père dans le ciel, mais son père dans les cieux. Et il a donné des prières à l'homme pour que l'homme prie son Père dans le ciel, et une prière pour que l'homme prie son Père dans les cieux. Et le Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, bon, de l'espoir pour entretenir, et la seule chose importante de cette prière, c'est la fin. Amen. Amen, ça veut dire amen. Est-ce que l'homme nouveau... Amen, ça veut dire ainsi soit-il. L'homme nouveau va ainsi prier. Ainsi soit-il, c'est un ordre, qu'il en soit ainsi. L'homme nouveau va prier? Non, l'homme nouveau va dire. Il ne prie pas. Pourquoi demander à un Dieu? Mais le Nazaréen dit, prie tant que tu veux, tout ce que tu demandes, tu l'as déjà, bien avant, tu sais, il peut dire. Si tu as la conscience de te rendre compte qu'il te le faut, l'autre, il l'a mauditement plus que toi. En plus, il dit, tu veux aller à l'église, te faire pardonner? Bon, non, ouais, ton chum, là, règle ça avec. Si tu as du temps à perdre après, tu iras allumer des cierges. Et l'homme, il commence par aller à l'église en espérant, parce que, tu sais, l'ego, c'est plus facile égoïquement d'allumer le cierge et de rencontrer Dieu que de rencontrer le gars qui t'a fait des problèmes. C'est mauditement plus facile d'aller à l'église ou demander pardon au prêtre puis de recommencer 30 fois. L'homme nouveau est quelque chose d'existentiel qui n'est pas encore exprimé. Il y a énormément d'individus ici qui sont en transition. L'humain, hein, qui a encore de l'ego, va dire, ouais, mais tu sais, tout ce qui vient de compter là, moi, j'ai 62 ans. Je prends une petite graine. Je la lance dans les airs, je la prends, je la mets dans la terre, je pèse dessus, je mets un peu de terre dessus, je l'arrose. Et soudainement, il y a une bébête qui sort de là, verte, qui s'étale, ça pousse, ça devient une plante. Et je dis, ah oui, mais c'est normal, j'ai mis une graine. Pauvre, ignorant. C'est pas normal, c'est extraordinaire que tu plantes un morceau de bois là-dedans, puis qu'il te sort une plante qui pousse, qui est capable de ramasser les minéraux dans le pot, puis dans l'eau, puis du soleil, puis faire quelque chose. Ça, ça se fait parce que tu l'as tellement vu de fois. Et là, rien là. Puis marcher sur l'eau parce que tu ne l'as pas vu, ça, c'est traumatisant. Toi, tu n'existais pas. Il y a une petite bébé spermatozoïdale qui rentre quelque part, là, je vais passer des détails, puis qui va se bloquer sur un ovule. Ça crée une cellule qui se coupe en deux, en quatre, qui se coupe, qui se coupe, qui se coupe, qui se coupe, qui se coupe, qui se coupe, qui se coupe. On n'en rajoute pas du stock, là. Elle se coupe, puis elle se souvient. Il y a certaines cellules qui sont coordonnées, ça forme ton cerveau. Lentement, il avance, formez les yeux, elles se souviennent. Lentement, on forme les bras, les jambes. On forme tout le système gestionnaire de la vie du corps. Et à un moment donné, la mère qui ne sait rien, qui ne comprend rien, commence à avoir des contractions. Le bassin grandit, tout fonctionne. Et à un moment donné, ça accouche. Ça accouche, comprenez-vous? Puis on peut pas marcher sur l'eau. On peut pas traverser les murs, puis le char, il part pas l'hiver. Puis ça accouche. Puis c'est pas fini quand ça a accouché. Ça broye, ça respire, ça pète. Hein? Et puis à un moment donné, ça grandit. Ça comprend des choses. Ça pense. Ça pense penser. Ça transite. Ça se frustre. Et puis à un moment donné, ça devient suffisamment homme que ça commence à poser des questions neuves. Puis le char, il part pas. Parce que l'homme voit continuellement un miracle devant lui, ça en est plus un, c'est normal. Puis parce que l'homme voit une chose la première fois, ah là, c'est sûr, naturel. Là, c'est paranormal. Là, c'est miraculeux. De prendre une personne malade, âgée, une personne malade, âgée, les faire avoir un enfant ensemble, l'enfant vient en santé et jeune. On n'a jamais vu un enfant de 62 ans naître. Ça naît toujours à l'âge plus ou moins de 9 mois. Et cet enfant-là, ben si je dis aux deux personnes, un jour, vous aurez la faculté de rajeunir. Ben voyons donc, tu sais, commencer à rajeunir. Ben dites donc à un enfant de 6 ans qu'un jour, il sera grand comme vous. Ben voyons donc. Va manger des cossins, là, mes os, ils vont pousser, ils sortiront pas par mes doigts. Non, non, les petits doigts vont suivre. Ouais, mais les muscles, ils vont être petits. Non, ça suit. Ouais, mais mes pieds, mes jambes, ça suit. Regarde, ça suit, toi. Si ça se fait dans un sens, ça se fait dans l'autre sens. C'est évident. Parce qu'on ne le voit pas souvent, on le refuse. Mais tant qu'on va le refuser, ça vous sera refusé. Tant que vous le refuserez, c'est évident. La première personne qui doit vouloir, c'est l'homme. Lorsque l'homme se permet... Donnez-vous l'autorisation. L'homme n'a pas l'autorisation. Moi, je veux être heureux. Sortez à soir, de non, mais viens ici. Ah ouais, donc. Bon, mais OK. Je te donne pas l'autorisation. Je te sujettifie aux autres. Parce que tu comprends pas. Parce que tu ne veux pas supporter ta condition d'être anormal. Naturel. Simplement naturel. Un être naturel ne peut pas être normal parce que tout le monde est normal, collectif, pas naturel. Ben, si t'es naturel, c'est pas être normal. Quelle est l'intelligence d'être comme tout le monde? Ben, être bien vu. Wow. Mais celui qui te voit bien quand il est mort, quand il est déménagé, quand il te voit mal, parce qu'il a changé, ça te servit à quoi? Toute ta jeunesse, je connais des jeunes là, qui ont passé des 24 heures à attendre pour acheter des billets d'un show qui va se faire en septembre. Ils ont acheté ça le 2-3 mois. Je connais même un qui avait tellement peur d'y perdre ses billets parce qu'il en a acheté pour une gang, qu'il les a mis dans une enveloppe, dans un sac baggy, puis dans le congélateur. Le problème, sa mère, elle a fait le ménage, elle a acheté un paquet qui était vieux, puis tout s'est collé après. Puis là, on lui a demandé, parce qu'après ça, il fallait chercher qui c'est qui avait les billets. Il avait 250 de billets. Personne ne les a volés. Mais pourquoi t'as mis ça dans le congélateur? Ben, parce que si la maison est passée au feu, dans le congélateur, il paraît que ça brûle pas. Oh, oh. La maison passe au feu, tu revois ton chaud pareil. L'humain est collectif et il s'amuse il a besoin. À quoi ça vous sert d'être reconnu par autrui si vous vous reconnaissez même pas vous-même? Oh, moi, je me reconnais, moi. Ouais? Ouais, écoute, demande de voir à l'autre, qu'est-ce qu'il trouve. Quand on dit à l'homme, l'homme qui transite finit par vibrer de ses paradoxes. Et ça le fait, ça l'envoie aux toilettes. À un moment donné, il va transiter, et il y a des choses, on en a parlé souvent, et je veux que, pendant la période de questions, que vous amenez vos commentaires, les points, on va répondre brièvement, il faudrait que ça serve. Mais imaginez-vous bien qu'il y a plusieurs choses qui arrivent. Les fantômes, ça existe-tu? L'homme nouveau, la personne transitive, un jour verra un fantôme. Ça existe, les fantômes. C'est pas un esprit, c'est un ectoplasme. Ça existe. Et lorsqu'il va voir le fantôme, il va demander de s'en aller ailleurs. Il va hanter d'autres lieux. Il y a du monde qui vont voir sa présence. Il y a des choses que l'homme transitif va faire et qu'il va découvrir, qui vont le faire souffrir. S'il est averti de ce qui va arriver, ben au moins l'ego souffrira moins. Mais la transition, ça existe. L'homme nouveau, ça s'en vient. Puis s'il est quelques 400-500 ans qui viennent, et évidemment, il y en aura qui vont l'aider. Mais c'est triste pas. On va y revenir. Merci, Daniel.